Sans pitié, en qui était le jeu. actuality is well known. When the revolution takes place, I'll be late and I'll be shot as a traitor. When the sun rises, I will not see. I regret nothing, it was worth it. Going through life without a timepiece did pay off. Even now, at the pillar, blindfold, at sunrise, hitting the drums of Catalan, beating my time away. C'est ce qui manque dans notre société actuellement, la curiosité. Ben ouais, et de connaître des gens qui font notre culture, qui font nos divertissements. Oui, puis moi, je suis très francophonie parce que j'ai tourné mon premier court-métrage en 1994 à Montréal. Ah oui? Donc, j'avais pendant longtemps, quand je faisais des courts-métrages, une partie de mon équipe qui était québécoise. OK. Et ça a été vraiment ma... Ah, c'est vrai. Excusez. Ah, pardon. Excusez. Moi, je vais prendre un petit verre de blanc. Chablis, du fumé, Sancerre. Un petit Sancerre, tant qu'à faire. Bon, on est au Sancerre. Ben voilà. Est-ce que ça existe dans le rouge? Oui. Je vais prendre la même chose, okay. Mais dans le rouge. C'est très bon, le Sancerre. Ah oui? Ouais, et surtout quand c'est au Sancerre, j'espère. Voilà, que... tu vas-tu le savoir. Oui. Oui, donc j'ai fait un court-métrage au Québec, il y a longtemps. Mais en tout cas, c'était vraiment ma patrie de cœur pendant très longtemps. On va recommencer, puis on va en parler, OK? Oui, parce pardon. Que alors, excuse-moi. Okay. D'accord. Ok, action! Je vais juste arranger mes choses. Ouais, vas-y. Stéphanie, je suis très heureux de te voir ici et de enfin pouvoir parler de culture, de cinéma et tout ce qui gravite autour de ce médium-là. Tu disais hors micro que tu connaissais le Québec. Oui, en fait, j'ai tourné mon premier court-métrage là-bas, qui était okay. Mon film de fin d'études. Okay. Et j'ai décidé d'aller tourner à l'étranger parce que j'avais écrit un scénario qui se passait à l'étranger. Okay. Et en même temps, ça paraissait plus simple de tourner dans un pays francophone. Et moi, en général, j'aime beaucoup la francophonie. Je trouve ça merveilleux de faire 6000 km et de trouver des gens qui parlent la même langue, sachant que c'est jamais tout à fait la même langue. Et c'est ça qui est beau. C'est le dialecte. C'est ça, ouais, mais parce qu'avec ce que ça veut dire culturellement, oh, oui. et à la fois donc ça facilite les échanges et en même temps on découvre vraiment une culture différente. Et en tout cas, j'avais plein de copains qui étaient allés faire une année d'études au Québec et qui m'en parlaient en me disant Stéphanie, c'est un endroit pour toi. Et du coup, je me suis dit bon ben voilà, quand on est française, en fait j'avais une héroïne, enfin un personnage principal qui était censé avoir tout quitté. Voilà, pour recommencer sa vie ailleurs. À cause d'une histoire d'amour? Voilà. Et je me suis dit, bon, tout quitter pour aller en Belgique ou en Suisse. C'est pas assez loin, hein? C'est pas assez loin. Quand il y a une rupture, faut vraiment. À ce moment-là, je connaissais encore pas assez un pays d'Afrique noire ou du Maghreb pour vraiment me dire que je vais y aller tourner. Bah, je connaissais pas plus le Québec. Mais ça m'a paru, comme tout le monde m'avait dit, c'est pour toi. Et je me suis dit, oui, culturellement, je pense que c'est quand même plus proche de moi aussi. Et du coup, je suis partie au Québec comme ça. En fait, j'avais croisé deux étudiants québécois à Paris, à la FEMIS. Moi, je ne faisais pas la FEMIS, mais j'y traînais souvent. Une belle et très belle école. Super école. Loin Lumière et FEMIS. Oui, ouais, absolument. Mais ils ont d'autres... Si tu prends la FEMIS, a une autre orientation que Lumière. Oui, Loin Lumière, c'est beaucoup plus sur la musique, le son et l'image. Oui. Donc, c'est vraiment pour être chef-op, ingé son et mixeur, voilà. Donc, c'est beaucoup plus technique. Scientifiquement parlant, il faut avoir fait les études adéquates aussi. La FEMIS, on peut aussi faire des études d'ingé son et... Mais le concours est de chef opérateur, mais le concours est beaucoup plus général, culture générale. Ouais, voilà. Et puis plus accessible. Oui, en guillemets. De ce point de vue-là, oui. Et donc, en tout cas, voilà, donc j'avais croisé deux Québécois. Il y en a un qui m'a donné les coordonnées de Mark Simpson Stratford, qui à l'époque était étudiante en cinéma là-bas. Et l'autre m'a donné, l'autre était québécoise, justement de Québec, je veux dire. De la ville de Québec. De la ville de Québec. C'est moi, ça. Voilà. Et donc, à Montréal, elle ne connaissait pas grand monde, mais elle m'a donné les coordonnées de quelqu'un chez qui finalement j'ai habité, j'ai tourné. Et Marc, quand je suis arrivée, au début, en fait, il m'a raconté, après, il ne me croyait pas. C'est-à-dire que je l'ai appelé un mois et demi avant de venir. J'avais prévu d'aller un mois et demi à Montréal avant le tournage. Et il m'a dit, en fait, je me suis dit, c'est qui cette Française qui m'appelle? Elle ne viendra jamais. Et un mois et demi après, j'ai débarqué avec ma pellicule sous le bras parce que je voulais tourner en Agfa 400, qu'elle n'avait pas. À quelle année? En 94. Oui, ok, ouais. Le numérique n'était pas encore... Non. Donc c'était plus tout un truc d'organiser un tournage. Et quand même, du coup, Marc est venu me chercher à l'aéroport et il m'a présenté. Bah, en fait, il avait recruté une équipe. Oh. Et c'était super. Et sur ce film-là, il était premier assistant caméra. Et comme il bossait à Panavision, j'ai eu en plus du... Belle maison à Panavision. Ouais, super beau. Enfin, voilà. Et ça a été une rencontre extraordinaire avec... il y avait Myriam Bouchard, il y avait Zoé Boudreau, il y avait Nicolas Bolduc, Jérôme Sabourin. Enfin, j'ai eu des une noms super qui... Oui, aujourd'hui, c'est des gens qui sont... Et puis des gens que j'adore. Enfin, vraiment, ça a été une super rencontre. Alors, avec tout, avec la ville, avec le Québec. C'était un super tournage. Mais Québec, ça ressemble étrangement à Paris. Lorsque tu prends le Vieux-Québec, juste les routes, c'est comme ici. Mais c'est ça qui est super, c'est que c'est à la fois familier et complètement autre chose. Oui, c'est les États-Unis. Les espaces, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, c'est très, très agréable. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une... je pense que quand on est Québécois, on n'a pas la même vision, mais... Moi, j'y suis quand même allée donc, la première fois pendant 2 mois. Enfin, j'y suis longtemps revenue. J'ai fait toutes les saisons, hein, donc même le mois de janvier. À chaque fois, je restais bien un mois quand je pouvais. J'ai fait le festival du Homard. Ben, en fait, c'était mes seules vacances. Quand je prenais des vacances, j'allais au Québec, chez les copains. Et, mais à l'époque, c'était avant le 11 novembre, la vie coûtait moins cher. Carrément. J'ai commencé à venir ici quand ça coûtait 350$ aller-retour. Hein. Ben oui. Et le prix de l'essence aussi n'était pas c'est ça, tu vois. Donc c'était une autre époque. Dans le genre, c'était mieux avant. Mieux avant. Ouais, on a l'air de péper. Ouais, mais c'est pas grave parce que vraiment. Mais on en a bien profité. Oui, on en profite encore, même si un peu plus. Ouais. Moins souvent. Et donc voilà, et pourquoi je te disais ça? Ben donc en fait, j'y suis retournée et ce que je trouvais vraiment, c'était qu'il y avait une qualité de vie à Paris. On est tellement tout le temps stressé. Ouais, mais Québec, si tu vas à Montréal, c'est autant on sent le stress. Moi, j'avais l'impression quand même que les gens avaient le temps de se voir entre amis, alors que nous, on n'a jamais le temps de se voir. À Paris, tu habites à Paris, tu mets 6 mois à voir les copains. Ah ouais? Tu vois? Ici, il y a des terres. Là, il y a une vie de quartier. C'est. Dès que tu n'habites pas dans le même arrondissement, ça demande trois agendas avant d'arriver à trouver une date. Enfin, tu vois, ce côté parisien débordé. Et en même temps, on n'arrive pas à faire autrement. Et ça, je me disais, mais c'est super. Au Québec, il n'y a pas ça. Oui. Enfin, oui. Après, je me suis dit, c'est peut-être aussi ce qui vous reste des hivers tellement rigoureux que quand tu avais fait 20 km pour aller voir le voisin, bah, tu restais dîner chez lui et tu passais la nuit. Tu prenais quelques coups aussi pour te réchauffer. Oui, c'est ça. Je pense que ça donne une bonne ambiance plus chaleureuse et conviviale. Mais en fait, la ville de Québec, c'est un peu comme des habitants de région en France, en Normandie. C'est ça, oui. Oui, t'as une douceur de vivre. Oui, et une joie de vivre. Oui, et puis voilà, un sens des priorités dans la relation humaine. Oui. À Paris, t'es toujours souvent dans des relations de quitter toi. Est-ce que tu peux me servir professionnellement? Enfin, tu vois. Et on est toujours aussi sur. Étrangement, un peu de plus en plus au Québec, on est toujours sur nos. On fait toujours attention, on ne voit jamais ce que l'on nous dit, on est toujours sur nos gardes. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est les médias qui nous amènent ça, qui nous amènent la crainte, mais avant on était plus. Oui, c'est cool, ça, moi je te parle de ça il y a plus de 20 ans, Du coup, moi j'ai vraiment découvert une autre façon de vivre, donc à la fois des grandes villes, mais dans lesquelles on pouvait être cool. Ça, c'était une révolution pour moi. Oui, oui. L'assassin l'emportait toujours haut la main. La victime était homme de bien. Le soir, Edgar de la folie la plus atroce se sentait pris. Malgré les honneurs et les prix de l'alcool était dans la vermine, il se vautrait. À boire, à boire pour Maître Edgar. À boire pour le génie. Prenez garde au fou qui sommeille au fond d'un manoir décrépit, jouant de ses mains sanguineuses une valse de Chopin affreuse. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. House over there, has her own house. tu as tourné à Québec, qu'est-ce que tu as voulu placer dans ta caméra pour proposer aux Français? Alors, même? Bah, ça restait une histoire assez intimiste. Hein, oui, mais c'est pas grave, c'est toi qui le filmes. Donc, si tu es chaud au Québec, il faut que je montre quelque chose. Que... Bien sûr. Bah, déjà, il y avait des Québécois dans le film. C'est-à-dire que les deux rôles principaux étaient français. Et au niveau paysages. Pas vraiment de paysages, mais par contre, tu sais, pour nous, rien que le fait d'avoir des grands appartements. Oui. Non, mais tu sais, rien que ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, même si tu fais un film intimiste, tu as de l'espace. Mais tu sais, ça rend pas la même chose. Les films au Québec, beaucoup de films au Québec se passent dans la cuisine. Ben bien sûr. Ouais. Ben, par rapport aux cuisines parisiennes, ça n'a rien à voir. Ben, mais ici, c'est des kitchenettes. Ben, c'est ça. Tu peux pas manger dedans. Du coup, dès que tu fais une scène à deux, les gens ils sont tout proches l'un de l'autre. Tu es en close-up. Et le cinéma, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma? Qu'est-ce que t'as... Alors, moi, j'ai toujours... Enfin, non, c'est pas vrai. Au début, je voulais être archéologue quand j'avais 9 ans. Pourquoi? Et plus tard, j'ai fait des fouilles. Bah, j'étais passionnée d'histoire et je trouvais que c'était un métier extraordinaire d'aller sur un petit bout d'os que tu retrouves reconstitué. Mais tu vois, c'était déjà fait parce qu'il n'y a plus de boulot dans ce milieu-là. Alors, au début, je suis pas sûre. Parce que Québec, en France, on a une loi qui est passée. Mais bon, après, vers 12 ans, il y a eu Les Aventuriers de l'Arche perdue qui est sorti. Oh. Grosse sortie en France. Moi, j'ai adoré le film. J'avais 12 ans. Et... Et grosse sortie en France avec des trucs en plateau à la télé, dans les émissions pour jeunesse, avec des maquilleuses qui font des effets spéciaux, tatata. Et là, d'un seul coup, je vois une main où il n'y avait rien, et puis 10 minutes après, une main avec une grosse blessure qui dégouline. Et là, je me dis, mais c'est ça le cinéma, en fait. C'est de la faire un truc... oui, mais la belle supercherie, c'est-à-dire qui permet de raconter des histoires, qui permet qu'on y croit. Et puis donc du coup à partir de là j'ai commencé à avoir vraiment des films sérieusement. C'est-à-dire Qu'est-ce qui est sérieux pour toi? À cet âge-là, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. À cet âge-là, j'ai plus eu une envie de tout découvrir, d'aller voir toutes les sortes de films. Et donc très vite, je me suis dit, moi là-dedans, je vais être le chef d'orchestre. Voilà, je ne veux pas faire du son, je ne veux pas faire d'image, je veux tout faire. Tu savais pas que ça s'appelait réalisatrice? Parce que. Non, mais c'est tu savais pas que ça s'appelait comme ça. Après, j'ai mis un nom dessus, mais c'était ça, en fait. C'était ce côté chef d'orchestre, c'est-à-dire de tout agencer pour que ça aille dans une direction et à travers ça, raconter des histoires. Mais finalement, je trouve que ça rejoint l'archéologie. C'est-à-dire qu'au début, tu as trois fois rien, tu as une piste. C'est vrai. Et à la fin, tu as un truc extraordinaire, tu peux changer la vie des gens. Ça n'a pas la même importance, l'histoire, c'est important. Ouais. Mais quand même. Ça commence par un embryon. Et ça finit par un truc, par une grande découverte. Donc cet amour de l'archéologie ne m'a jamais quitté. Dès que je voyage à l'étranger, je fais tous les sites archéologiques. c'est important. Et j'ai même participé à des fouilles quand j'étais étudiante l'été. Okay. Tu vois, je partais en chantier. Tu étais étudiante en cinéma? Oui, j'étais étudiante en cinéma. Je participais à des tournages aussi. Okay. Voilà. Tu faisais des pseudo-documentaires? Pas des documentaires. Ah non, moi j'ai toujours fait de la fiction. Okay. J'ai eu un projet de docu qui finalement s'est pas fait, mais... Qu'est-ce qui te plaît pas dans le documentaire? C'est le jeu des comédiens qui te manque? Non, c'est de pouvoir raconter une histoire que j'ai inventée, en fait. Inventer, ça veut pas dire que ça va être quelque chose très loin de la réalité, tu vois, mais... c'est l'histoire que je porte en moi. Après, moi je suis très curieuse, j'en vois plein des documentaires. Je trouve ça super intéressant de... Bien sûr, toutes sortes de documentaires. Mais en fait, la fois où j'ai eu un projet de documentaire, c'était déjà parce que j'avais une fiction qui devait se tourner au Sénégal, qui ne s'était pas faite. Oui, c'est ça. Et en travaillant sur cette fiction, je m'étais intéressée aux rituels des différentes ethnies sénégalaises, aux rituels notamment de passage, tu vois, de passage de l'âge d'enfant, de rituels d'initiation, j'adore ça. Ça, c'est intelligent contrairement à lui. Parfaitement. Et... Ah non, mais c'est incroyablement utile, j'en parle souvent. Nécessaire. Oui. Et les rituels aussi, moi je suis très sensible au devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les morts, qu'on n'oublie pas les gens qu'il y a eu avant, d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, ça rejoint l'histoire aussi. En Afrique, on dit que des personnes âgées qui meurent, c'est des bibliothèques qui brûlent. C'est ça, il y a un gros respect. Et puis en fait, beaucoup de pays d'Afrique noire sont encore vraiment en lien avec une tradition animiste, avec des croyances animistes, notamment au Sénégal. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait les morts sont toujours vivants, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à la vie quotidienne et on les invoque, et en plus on pense que si on ne respecte pas ce devoir des mémoires de les faire participer aux fêtes, ou de leur demander leur avis, ou de les invoquer, d'invoquer leur mémoire régulièrement, bah c'est de là que viennent tous les problèmes. Ouais. Les problèmes de santé et les problèmes de névrose. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à un certain rituel qui s'appelle le Ndop. Ndop. N'DOE dans l'O-U-P, nous on l'écrit comme ça, Ndop. Ndop, si tu veux, c'est comme une psychanalyse express. C'est-à-dire que nous, ici, on appellerait t'as une dépression. Plutôt que de te donner des cachets, de te faire faire 3 ans d'analyse, on va faire venir la prêtresse d'une Ndop, en fait. Moi, j'appelle ça s'appelle une sorte de sorcière, c'est ça? Ouais, c'est comme un chaman. Voilà. Et qui va parvenir, en fait, qui pense que c'est donc un ancêtre qui a quelque chose à dire au vivant qui passe par toi. Soit qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé dans le passé, soit que donc tu n'as pas respecté, que toute ta famille, hein, c'est un toi collectif, hein, n'a pas respecté son devoir de mémoire envers lui. Donc l'idée, c'est de lui donner la parole pour qu'il puisse dire où est le problème, pour qu'on puisse lui dire « si, tu es toujours avec nous », qu'il puisse manger et boire à travers toi, et ensuite s'en aller tranquille, en paix, et que tout soit réglé. C'est une soirée. C'est 3 jours. Où on amène... Alors, il y a des parties du rituel, il y a à peu près 10 étapes. Il y a des parties du rituel où la personne en question est toute seule avec le chaman et ses assistants. Et il y a des parties du rituel où tout le monde doit participer parce que, si tu veux, c'est une responsabilité collective, ouais. Toujours. C'est comme une psychothérapie familiale où, tu vois, où parfois même c'est tout le village dont on pense qu'il est responsable. Donc, c'est lui qui porte le symptôme, mais ça concerne tout le monde. Donc tout le monde va payer aussi, parce qu'il y a forcément un sacrifice animalier qui coûte 10 sous, il y a toute cette fête, on nourrit tout le monde. C'est des chiens, des chats? Non, c'est, alors suivant l'argent que tu as, c'est un poulet, une chèvre ou un mouton, ou si tu as vraiment de l'argent, un zébu. Là, c'est très impressionnant parce qu'il y a des litres de sang et vraiment... Le bruit, le cri... Ouais. Mais en fait, ça a un sens. Mais c'est un documentaire, en fait, ça? Oui, ça c'est un projet de documentaire pour lequel j'ai jamais eu lieu. Bah non, malheureusement, parce que la boîte a fait faillite. Mais est-ce qu'ils en ont fait depuis que l'on en parle, des documentaires à ce sujet? Tu peux en trouver, oui. Mais en fait, moi, si tu veux, ça m'a donné l'idée. En fait, je suis repartie sur mon premier projet de fiction et j'ai intégré ça. Et mon projet de fiction, donc africaine, qui est sorti en France l'année dernière, il a été complètement nourri de ce travail-là. Parce que du coup, ça devient l'histoire d'une Française qui débarque là-bas, qui elle est dans les histoires, mais qui écrit qui dessine des livres pour enfants, donc qui s'intéresse forcément aux contes africains. Et donc dans les contes africains, on parle de sorcières qui ont 3000 ans, de marabouts, de trucs comme ça, donc ça l'intéresse, Et en parallèle, elle a un gros problème avec sa famille. Et d'un seul coup, elle va se rendre compte que ce problème, elle pourrait le régler. C'est-à-dire qu'elle trouve une solution sans vraiment savoir ce qu'elle fait, mais qu'elle trouve une solution, enfin elle trouve de l'aide là-dedans. Et donc elle va se retrouver à faire un rituel qu'elle ne comprend pas vraiment. Une blanche avec... Voilà. Et voilà, donc elle est guidée là-dedans par un marabout qui, lui, sait ce qui se passe. Oh oui. Et c'est pas... Elle pense en fait qu'elle va tuer sa sœur alors qu'elle est en train de la guérir. Mais voilà, enfin voilà. Donc c'est quelqu'un qui plonge comme ça d'un seul coup dans la culture africaine. Alors moi je ne crois pas. Je suis totalement athée, en ce sens-là, je suis bien parisienne. Hein. Mais par contre, je crois dans le pouvoir d'intimidation. C'est-à-dire que je crois, par exemple, que quand tu maraboutes quelqu'un, c'est un message très fort que tu lui envoies. J'ai un peu travaillé pour un autre projet quand j'étais assistante sur des longs-métrages, sur la boxe. Et ça, les boxeurs, ils t'expliquent. Oui, la première confrontation à la pesée, elle est super importante parce que tu peux prendre l'ascendant psychologique. Oui. Et là, t'as quasiment tu peux gagner le match à ce moment-là. Ouais, c'est incroyable. Ouais, hein, ouais. Donc ça, moi, j'y crois. Ça, j'y crois que... Tu dois arriver à dégonfler l'eau. Ouais, c'est ça. Il faut lui faire peur. Ça, je crois, oui, que quelqu'un peut perdre ses moyens parce que tu lui fais peur. Ou que quelqu'un va d'un seul coup se mettre à réagir. Ouais, mais c'est impressionnant aussi. Hein, c'est impressionnant, ce genre de rituel-là. Ouais, tout à fait. Oui, tu vois, voilà, c'est ça. Et, tu sais, et surtout quand t'es français, blanc, que tu connais rien, tu sais pas du tout où ça va. Ouais. Tu peux vraiment flipper. En fait, c'est le côté vaudou aussi. Hein, c'est... Tout à fait. C'est, ouais, le vaudou, c'est un dérivé de ça. Ouais. À la base, c'est fait pour soigner. Fait pour faire du mal. Mais l'être humain étant ce qu'il est, la magie blanche est devenue noire. We'll be right back. soirée de mes lapins énervés. Sur des œufs de chasseurs qui se font illico dévorer. Sautillent les lapins de joie et leur fourrure ensanglantée. Quand arrive l'OVNI, quand arrive l'OVNI, quand arrive l'OVNI, quand arrive l'OVNI, le vent s'agit un jour, aller sur le pays des merveilles. Aller se sent que ça glisse au pays des petites abeilles. Et le lapin qui l'attire dans un fossé de satire. Mom and Pa lived here and this before them. The try their hardest to make it a home. Seems so long now since they passed over. Hold my children and try to make it their own. Mama roof is leaking and the wind is howling. The kids are crying because the sheets are so cold. Woke this morning and my hands were frozen. Oh, I tried to fix the fire, but you know the damn thing's too old. But me, oh, I'm getting stronger by the minute. My wife's expecting, but I hope she can wait. 'Cause this winter looks like it's gonna be another bad one. But spring will soon. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. C'est un peu comme les Indiens aussi fonctionnent la ouais. Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de liens comme ça, justement. Les gens qui ont des racines. Hein. Oui, les Sénégalais sont très liés à leur terre et à leur totem. Ce qu'ils appellent leur totem, c'est en fait c'est les animaux qui étaient là avant. Donc, ouais, quand tu vas dans les petits villages, par exemple, les cerères, le totem, c'est souvent dans la région où ils sont, le totem, c'est souvent une hyène. Hein, parce que c'est des... Alors, on ne sait pas s'ils vont s'installer dans les endroits où il y a des hyènes ou si c'est les hyènes qui viennent parce qu'elles savent que les cerères vont être sympas avec eux. Enfin, tu vois, tout un lien. Il y a des endroits, c'est la tortue, et des endroits, c'est le varan. Souvent, les tribus de pêcheurs, enfin, les ethnies de pêcheurs, c'est le varan parce qu'il est à l'aise aussi bien sur terre que dans l'eau. Enfin, tu vois, et c'est en fait c'est parce que. Ils ont intégré, que nous on n'intègre pas, donc on a perdu, et que les animaux étaient là avant nous. Donc ils ne sont pas dans une logique de des animaux, il faut pas le aussi. Et aussi ils ne sont pas dans une logique d'utiliser l'animal, enfin de se l'approprier, tu vois, de les mettre en esclavage, de. Les sages, hein, après. Non, mais imagine, voilà. On est en 2016 et on commence à parler des droits des animaux. C'est ça. C'est abominable en 2016. Ben, quand tu regardes les Indiens d'Inde, oui. Où tu as des animaux sacrés, oui. Ben, le cochon, je crois que c'est sacré. Hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que. Tu sais que lorsque tu proposes ça à un producteur, lorsque tu proposes ça à des spectateurs, tu viens de diminuer ton auditoire. Ben, oui, le film a eu une très petite sortie en France, il a eu très peu d'argent pour se faire. Déjà, on ne s'intéresse pas à l'Afrique, on ne s'y intéresse pas assez. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire. Enfin, je me suis dit, c'est pas la peine de faire le même film que tout le monde. C'est autant apporter quelque chose, quoi. Et puis vraiment, après, c'était un truc très personnel de penser sans être croyante, sans croire dans ces... Et après, voilà, je finis de répondre à ta première question. Moi, je crois par contre qu'il faut... à ce qu'ils disent eux là-bas, c'est-à-dire qu'on ne meurt vraiment que quand il n'y a plus personne sur Terre qui pense à nous. Et je trouve que la vraie immortalité, c'est ce qu'ils font eux, c'est-à-dire le fait d'intégrer les morts rituels. C'est vrai que quand c'est comme ça, quand tu existes dans la mémoire des gens, dans le cœur des gens, bah, tu continues à vivre, on devrait. Ça me touche, par exemple. C'est pour ça que tu fais du cinéma? Bah, je ne me le dis pas comme ça, mais je ne sais pas. Je n'aurais pas la prétention de penser que... Enfin, mes films vont tellement perdurer quand même, après viens... moi. Non, mais c'est des traces, c'est une trace, même bien si c'est vu par deux, trois personnes. Bien sûr, c'est la trace sûr. Est là, le document c'est est là, l'étagère... Oui, c'est vrai. Mais donc, voilà. Et donc, bah, comme tu dis, donc, après pour revenir, bah, oui, le film a été très peu distribué aussi. C'est... Il est sorti dans une trentaine de salles en France, qui pour un film, c'est pas beaucoup, surtout pour un film qui a eu l'avance sur recette. Enfin, tu vois, je l'ai pas fait à la marge. C'est pas un film que j'ai fait avec du crowdfunding toute seule, copains. Voilà. C'est pas une autoproduction. Non, pas du tout. Mais enfin voilà. En tout cas, après, par contre, du coup, il y a eu une sortie un peu atypique dans le sens où il y a eu énormément de projections avec débat. J'ai beaucoup accompagné le film. C'est pas fini. La semaine prochaine, je pars à Yaoundé pour participer. Ah, c'est la beauté du film. Hein? Ouais. Il meurt jamais. C'est comme les personnes qui. C'est vrai. Tu vois, et donc là, je vais au festival Écran Noir à Yaoundé. Écran Noir. Ouais, c'est super. Et donc, c'est le... Tu es la française invitée? On est plusieurs. En fait, il y a une catégorie film étranger. OK. Et donc, moi, je suis en compète... Enfin, mon film est en compète en film étranger. Et c'est un gros, gros festival. C'est la 20e année. Donc, c'est le plus gros festival du Cameroun, mais qui concerne tous les pays autour. Est-ce que ces projections ont lieu en plein air ou dans les salles? Alors... c'est plutôt dans des salles parce qu'en fait, mais il y a eu sur les 20 ans, il y a eu les deux façons de faire. Parce qu'en fait, il y a eu toute une période, et d'ailleurs le Sénégal ou la Côte d'Ivoire en sont pas sortis, où les cinémas ont tous fermé. Ah oui, voilà. C'est normal, ben normal, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité aussi. Et au Cameroun, ça fait quelques temps que les salles rouvrent. Okay. Donc moi, je vais avoir droit en plus à la belle salle de Vincent Bolloré. Oh, okay. Tu sais, de A+, la chaîne Canal Plus Afrique, en fait. Donc moi, je sais que le film va être diffusé dans une salle de cinéma flambant neuve. Ça, c'est cool. Avec la qualité aussi. Mais il a déjà... Enfin, après, moi, je n'y étais pas, mais il a déjà été montré aussi au Burkina Faso, en plein air, dans une salle de cinéma. Ça se passe plutôt bien... En fait, voilà, et c'est ça, donc le fait d'avoir accompagné le film, compris en France, c'est de voir que les gens qui viennent le voir, ceux qui s'intéressent, en fait, ils sont déjà sensibilisés au sujet. Ah ouais, c'est soit des gens qui connaissent déjà l'Afrique noire, soit des gens que ces histoires d'interculturelles intéressent, tu vois, de comment une culture, les cultures se mélangent, qu'est-ce qu'on intègre des autres cultures, où est-ce qu'on peut faire notre marché aussi, parce que là, très clairement, dans mon histoire, la blanche, elle va faire son marché dans la mystique noire, tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu travailles sur l'animisme, tu te rends compte déjà que c'est la première religion qui est apparue sur Terre. Tous les hommes se sont mis à croire au même moment, enfin avoir besoin en tout cas, de prier les éléments, quand ils ont pris conscience qu'ils allaient mourir, les hommes préhistoriques, ils se sont dit il faut qu'on fasse des cultes, il ne faut pas qu'on oublie les morts, parce que si tu n'oublies pas les morts, toi non plus, tu n'oublieras pas. Enfin voilà, il y a un côté comme ça d'assurer la continuité. Et du coup, ce sont des rituels qu'effectivement tu retrouves sous différentes formes dans plein d'endroits. C'est-à-dire que même les sacrifices animaliers, tu en as énormément en Amérique latine. Et donc, pour en revenir aux sacrifices animaliers, ça a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal prend le mal. Et donc, après, tu le tues et le problème est réglé. Mais avant, évidemment, tu as pu permettre. Ouais, mais avant, tu as permis, ça ne marche que si avant, tu as permis au problème de s'exprimer. C'est-à-dire. La libération. Ouais, ouais. Tu dois craindre parce que ces gens-là le vivent, le mettent en action. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Alors, lorsque tu as fait ton film, tu es archi-documenté. Oui, c'est ça. Et tu l'as présenté sans doute à des gens qui pratiquent ce genre de... Ah bah, de toute façon, toute mon équipe sénégalaise pratiquait. Si tu en étais une équipe franco-sénégalaise. Okay. Moi, j'ai eu, je dis toujours, j'ai eu 15... Après 15, on n'était pas si nombreux, mais j'ai eu 8 à 10 conseillers techniques là-dessus. Hein. C'est même, tu vois, on devait commencer à tourner un vendredi, ils n'ont pas voulu, parce que ça ne se fait pas. Donc on a commencé un dimanche, finalement. Chose qu'on n'aurait jamais fait. Non, nous, dimanche, il faut aller prier. Non. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, fait par je crois que c'est fait par soit des Français, ou des Belges, ou des Suisses. C'est une tribu africaine qui joue un rôle, qui joue dans un film, et eux n'ont jamais vu de cinéma. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui. Et ils font la projection dans le village, et ils ont peur parce qu'ils voient... Bien sûr. Bah, comme... Est-ce que c'est un film français, ce que je te raconte? Je ne sais plus. OK. C'est surprenant, c'est bien. Oui, mais regarde, en France aussi, quand les Frères Lumière ont inventé le cinéma, les spectateurs ont eu peur, tu vois. Oui, mais ils appelaient ça aussi la machine... comment ils appelaient ça? Qu'il y avait des morts. Oui. C'est la machine à attraper les rêves et les esprits. C'est un peu vécu comme ça, oui. Parce que pour la première fois, tu voyais des gens en action. Ouais. Tu voyais un train arriver, les gens se sauvaient parce qu'ils pensaient que le train allait. L'instrument du mal. Le cinéma était l'instrument du mal. C'est magique. Oui. Et qu'est-ce qui t'amène à faire des films? Qu'est-ce qui te... t'interroge, qui te titille pour que tu puisses prendre un crayon, parce que c'est pas facile de faire un film. Ça se fait pas, c'est pas une chanson. Non. Eh bien, c'est quand je sais, quand je sens que si je ne fais pas ce film-là, si je ne raconte pas cette histoire-là, si je ne la mets pas en image, je ne pourrais pas... Okay. Vraiment. C'est marrant parce que... Ce ne sera pas la même... Non, c'est que moi, je vais être trop malheureuse. Non, mais c'est plus que ça, c'est plus profond. C'est viscéral. Oui. Oui, je crois qu'effectivement, c'est tellement dur que si tu n'as pas ça en toi, il ne faut pas te lancer parce que tu as tellement d'occasions de lâcher l'affaire, d'abandonner, de renoncer, enfin, tu vois, de dire, c'est tellement... Donc, moi, je sais que pour Africaine, à chaque fois, j'ai eu au bon moment un petit encouragement, tu vois, quelqu'un qui a beaucoup aimé le film et qui me l'a dit, enfin, voilà, ou qui, bien avant, a beaucoup aimé le projet. Et quand tu as pris 10 réponses négatives dans la figure, d'un seul coup, cette main tendue-là qui dit, non, t'es pas toute seule à t'intéresser à ça, ça peut faire un beau film, t'as raison de croire, elle est... C'est primordial. C'est ce qui fait que tu continues. Oui. Si. Évidemment, si 100% des gens m'avaient balancé le projet à la figure en me disant écoute, franchement, on voit rien d'intéressant là-dedans, je pense quand même qu'au bout d'un moment, c'est tombé parce qu'on n'a qu'une vie. Et que, voilà. Mais voilà. Mais je pense pas que le deuxième soit plus facile à faire, mais tu vois, en même temps. Il n'y a rien de facile. C'est ça. Ou alors, il faut vraiment avoir un gros coup de bol, mais tu peux pas compter dessus. Mais la facilité vient du fait aussi que tu peux filmer en numérique et abandonner le... Pas vraiment, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, le numérique, ça coûte aussi cher en post-prod, en fait. Mais non, moi, je trouve que oui. Tu vois, enfin, si tu veux vraiment faire un travail dessus, quoi. Donc, et aujourd'hui, c'est pas forcément moins cher, parce que même si tu veux retrouver vraiment le piqué de l'image qu'on avait en 35, tu vois, en plus, moi, ça me fait plaisir, parce que tu as des grands réalisateurs américains qui continuent à dire, bah, Interstellar, il a insisté pour tourner en pellicule, parce que la récidive, ça coûte très cher de retrouver le même rendu et la même facilité de tournage, enfin, le même confort de tournage en numérique qu'en 35. Et du coup, quand tu fais un film fauché, tu es obligé d'adapter ta réalisation et le style de ton film à ce que tu vas pouvoir faire au numérique et tu n'as pas forcément envie sur la boulangerie avec son fils, tu vois. Et les pièces sont vides à présent et je suis libre de mon temps. Faire un café, fumer un joint me semble intelligent. La chose à faire en ce cas-là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi. Tu n'es pas ici, des murs sont disparus, tes nues, tes photos et tes meubles rococo. J'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici bas, dans un building où on voulait me trouer le dos. Take the money and go, Johnny go. Take the money and go. Je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme. Une menace qui me guette froid dans l'enclos. Je me sens prisonnier d'un immense jeu de drapeau. Je suis dans l'embarras, aidez-moi. Take the money and go, Johnny go. Je take the money et je go. Take the money and go, Johnny go. Attaque organisée, défoquée sur les ondes. Attaque organisée, 3 minutes, 20 secondes. Je connais les pushers les plus drôles en ville. Je connais aussi Monsieur Cigare Davidoff qui fume des barreaux de chaises à 60$ la pof. Qui fume des barreaux de chaises à 60$. Les amis, amici, amigos and friends. I'm pressing pause with a thought to set. You see, I'm shaking up, breaking up for a bet. I'm the brand man, clapping a jump of intellect. I got the fiber to take you higher. Swimming upstream from the downward spiral in a world where carpenters get resurrected. Kisses morph into whips and shall neglect. And you gotta take hate to the grave. Egocentric, phallocentric, just to keep your sexual, then so be it. You sexist. My main bitch is Mother Nature. So if you're acting like life is a big commercial, stuffing your face till your tummy is full, wake up now, don't stop. Cause if you're sleeping on the wake up call, but who am I to holler? I'm just rapping for the dollar. Be retinal on your wallet and your ring around the collar. Generation X Mark 5. I cock my lungs and I target your market. One sorry white boy more than staying alive. Stealing rhymes from the Furious Five. Johnny go. Take the money and go. Sans vide de ta douleur, de tes couleurs et de ta parano. Tu me manqueras mais moi je repars survivre ailleurs. Adieu, je t'oublierai au détour de la vie. Car il faut tout d'abord survivre au ghetto. Je reprends ma douleur pour moi seul. Je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat. Alors il fera trop froid. Alors il fera trop froid. C'est pourquoi je take the money and je go. And I like it. Je take the money and je go. Ça, c'est à l'époque où on commençait à parler. Ah, tu sais, est-ce que je vais non, non, mais je me réfère à la Cavalier. Pour le coup, il a été un des premiers à vraiment utiliser le numérique. Il y a intérêt. Il l'a intégré complètement à sa façon de raconter des histoires, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait les mêmes films. Mais lorsqu'on Cinéma Cinéma l'a rencontré, c'était à l'aube du numérique, donc il était encore à la pellicule, et il a dit ceci: le jour où je ferai du numérique, ce sera la fin de mon cinéma. Et ça a été le premier, un des premiers à faire du cinéma numérique, parce qu'il disait, il le dit toujours quelques années plus tard, mais ça n'a pas duré longtemps, Cinéma Cinéma. Je crois que c'est avant la fin de... Il a dit, l'avantage du numérique, et là, quelques émissions, quelques années avant, il disait, c'est la mort de son univers. Bah, du cinéma qui faisait à l'époque, c'est-à-dire que lui, tu ne fais pas le Thérèse en numérique et tu ne fais pas le plein de super en numérique. Et il disait, l'intérêt de faire du numérique, c'est que plus besoin d'éclairage aussi peu, plus besoin de son aussi peu parce que tu peux faire du replicage. Oui, mais il n'a pas fait les mêmes films. Non. C'est-à-dire que du coup, il n'a pas filmé les mêmes choses. Mais en même temps, surtout, tu as beaucoup moins de visages. Enfin, là, il s'y est remis avec Vincent Lindon et tout ça. Mais il est passé par plusieurs films. Il a filmé les mains, les objets. Oui. Ça passe par une phase d'adaptation. Après, il a eu l'intelligence de s'en servir pour effectivement ce que ça peut apporter sur l'intimité. Effectivement, tu es tout seul avec ta caméra, en ingé son. C'est bien, j'adore. C'est beau. Et ce qu'il en a fait, c'est très beau. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'au départ, c'est la fin de mon cinéma. Et c'est la fin du cinéma. Puis deux années ou trois années plus tard, il le prend et il en fait un langage, il en fait une autre structure. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très fort. Mais esthétiquement, en France, on a depuis quelques années des chefs qui sont très, très bons. Ils font vraiment des bonnes propositions artistiques. Et toi, tu as une facilité avec le numérique ou si tu restes amoureuse de la pellicule? Moi, je reste vraiment sur ma faim en termes de rendu par rapport au numérique. C'est-à-dire que si vraiment, tu vois, le Sénégal est une lumière magnifique. En 35, j'aurais eu un piqué magnifique avec rien. Il a fallu mettre des filtres. Faire de la pousse. Prendre des effets, de montage, Alors voilà. Mais toi, tu as la formation pour faire ce montage-là Non, je travaille avec. Après, par contre, oui, le numérique, je trouve ça formidable parce que quand j'ai tourné mes 9 heures de repérage pour le documentaire, là, c'est super. Là, j'ai tout fait toute seule. Ouais. Sans l'image, en plus, c'est des images que de repérage, mais j'ai quand même réussi à monter dans un petit truc. C'est léger. Et bien sûr, effectivement, tu es en documentaire, tu n'as effectivement pas besoin d'éclairage très souvent. Tu t'intègres beaucoup mieux, sans en plus, pour filmer les rituels. Les gens, ils ne vont pas les refaire exprès pour toi. Sinon, ça devient autre chose, ça devient la reconstitution. Mais quand tu arrives, tu es invité à voir une partie du rituel et tu as le droit de le filmer, tu te fais toute petite. Et pour ça, le numérique, c'est génial. As-tu vu la théorie du dogme? Aimes-tu ce genre de principe-là de te créer des barrières ou non, mais une structure? Moi, quand ils l'ont fait, je trouvais que ça avait du sens. Ils en ont fait 5 ou 6 films. Oui, après, ils sont allés au bout du truc. Tu n'as pas envie de voir que ça. Non. Mais ça a donné des très belles créations, carrément. Es-tu avant-gardiste à ce niveau-là? Pas forcément. Moi, je crois que là où je suis, je ne sais pas si c'est un avant-gardisme. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie de faire les mêmes choses que tout le monde. Mais ça va plus être dans les sujets que je vais oser traiter. Et ce n'est pas forcément scandaleux. Quand je dis que l'Afrique peut apporter des solutions et que ce n'est pas toujours du même côté que nous d'aller faire l'humanitaire, on se dit toujours qu'est-ce que je peux donner à l'Afrique? On ne se pose jamais la question qu'est-ce que l'Afrique peut me donner? Alors que on a énormément à apprendre de l'Afrique, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Là, je sais que je nage à contre-courant, que peut-être ça, plus tard, dans 2-3 ans, les gens vont se rendre compte que ça sera un sujet à la mode, ou en tout cas... comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est recherche de financement, recherche de débouchés budget, j'ai bien vu que j'étais à la marge. Mais là-dessus, je n'ai pas envie. Non, je te parle, oui. Mais tu vois, par exemple, en France, on me dit en ce moment, si tu veux vendre ton film, le faire plus facilement, il faut faire une comédie. Moi, j'ai écrit une comédie. Ça reste une comédie qui n'est pas une comédie familiale, qui ne caresse pas dans le sens du poil. Parce que je trouve que c'est ça l'intérêt de la comédie, c'est de pouvoir dire en riant des trucs qui fâchent. Bien sûr. Et du coup, j'arrive pas plus à la faire. Parce que parce que donc on me dit mais non mais on n'a pas envie de voir traiter ce sujet là comme ça, enfin tu vois c'est politique, c'est féministe, mais vraiment mais féministe. Je voulais en venir à ça, ton cinéma, est-ce que tu considères, à part quelques films qui sont un peu plus signés le truc par l'Afrique, ou es-tu féministe? Ah oui, très clairement. Enfin, mais après, si tu veux, moi, je ne fais pas un cinéma militant, dans le sens où moi, je milite dans la vie, je suis active. De ce point de vue-là, tu vois, je suis engagée politiquement. Par exemple, je suis représentante du maire à l'école. Tu vois, je trouve que c'est important de faire la courroie de transmission, de faire remonter les infos. Je fais ce que je peux faire à mon niveau. Du coup, toi, par exemple, moi, à Paris, je suis dans une cité. On est 10 000 sur une dalle en béton. Et du coup, il y a une grosse mixité sociale. Dans les écoles, il y a 28 origines des parents différentes, mais tous les enfants sont nés dans le 13e. Tu vois. Tous les enfants sont français, mais si tu remontes à l'étage des parents, enfin voilà, tu vois, tu as 28 nationalités. C'est les enfants qui apprennent le français au Canada. Oui, souvent. Et sauf s'ils viennent déjà de pays francophones, mais lointains. Et du coup, si tu veux, moi, j'ai pas envie de filmer ça, d'abord, parce que ça se passe bien. Dans ma vie quotidienne, ça se passe bien, c'est une belle expérience. Et en plus, voilà, ben je préfère le vivre avec les gens, tu vois. Donc le féminisme, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que oui, je vais avoir des choix féministes. Je ne vais pas forcément prendre une technicienne à la place d'un technicien, tu vois, ça ne va pas être rigoriste comme ça. Maintenant, chaque fois que je le pourrais, je défendrai la place des femmes. Par exemple, je me souviens sur un court-métrage, j'avais une assistante et elle était malmenée par l'équipe de production qui était exclusivement masculine. Là, je les ai calmées, je leur ai dit, l'assistante, c'est moi qui l'amène. Moi, je suis la réalisatrice, donc déjà, c'est pas très intelligent de votre part de dire du mal devant moi. Et ensuite, je leur ai quand même bien fait comprendre qu'il l'attaquait parce que c'était une femme et que moi-même, avant d'être réalisatrice ou en même temps, j'avais été aussi assistante et que j'avais aussi eu à faire face à ça, tu vois, ce côté un peu condescendant les trois premiers jours. Mais quoi, après, que tu te les moches, passe à côté de ça parce que t'es jolie, c'est... Non. C'est juste, il y a aussi ce truc de ne pas avoir la panoplie. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais assistante dans les années 90, la panoplie première assistante, c'était la petite barbe de trois jours et la sacoche, sacoche en cuir. Bon, moi, je mettais des jupes culottes. Forcément, j'avais pas de barbe, j'avais les cheveux longs. Le truc, j'étais pas dans le moule, quoi. Après, sur les longs métrages, c'était pas dérangeant parce qu'au bout de trois jours, tout le monde avait compris que je faisais le boulot, que je donnais la main quand il fallait, enfin voilà, que j'étais là, que je résolvais les problèmes, que je faisais mon taf. Mais il y avait toujours les trois premiers jours où je sentais qu'on me traitait un peu avec condescendance. Tu vois, en plus, je bois pas de bière, donc voilà, je bois pas de bière au cul du camion, je suis désolée, j'aime pas la bière. Faut faire le vin. Ben oui. C'est tellement meilleur aussi. Ben voilà, mais c'est moins technicos. Ouais, c'est ça. C'est des problèmes que tu surpasses très vite en fait, en parlant avec les gens et puis en faisant ton taf et puis voilà. Mais voilà, enfin du coup, pour te dire que quand j'ai dû défendre mon assistante, j'y suis allée. Parce que tu l'avais déjà vécu aussi. Bien sûr, c'est exact. L'incrimination, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est quelque chose d'insidieux. C'est aussi que tous ces mecs, aussi sympas soient-ils, ils sont sûrs de leur bon droit, puis ils sont entre eux. Donc ça, tu vois, ça s'auto-alimente aussi. Ouais. Si t'es pas là à un moment donné pour recadrer, pour dire on se calme. Mais c'est pas facile, travail égal, salaire égal. En France, non. C'est partout, au Québec aussi. Au Québec aussi. Ben oui. Moi, j'avais l'impression que c'était quand même une société plus égalitaire. Pas du tout. Au niveau de la femme, ouais. Pas du tout. Non, c'est un combat de tous les instants. Et c'est atroce de savoir qu'encore en 2016, la femme qui fait le même boulot n'a pas le même salaire. Oui, et puis qu'elle a les mêmes qualifications, diplômes, tout ça, mais la même expérience. Mais tu me disais tout à l'heure, et ça m'intéresse, tu me disais, exemple, une caméraman, OK? Ouais. Si j'ai le choix entre un homme et une femme, ben c'est pas le sexe qui va. Mais la sensibilité ne sera pas la même, celle d'une femme ou celle d'un homme. Franchement, ça dépend. Ça, c'est plus culturel. Moi, il y a eu... je m'entends très bien avec les deux. Enfin, tu vois, j'ai vraiment...